16h22 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Monsieur X était à peine arrivé qu'il m'a posé cette question. Connaissez-vous Marseille ? Il a prêté peu d'attention à ma réponse et il m'a longuement parlé de la cité phocéenne, une ville qu'il connaît apparemment très bien et qu'il aime visiblement. Mais où voulait-il en venir ? Bizarrement, il a évoqué un dossier qui n'a rien à voir avec son monde habituel, celui des services secrets et des officines de l'ombre. Pourquoi ? Il s'en expliquera dès le début de l'enregistrement que nous allons diffuser. Alors de quoi s'agit-il ? D'une très curieuse affaire qu'on a appelée l'affaire des grâces médicales et qui a révélé au grand jour l'existence d'une sorte de filière d'évasion médicale au profit des caïds du grand banditisme. Le scandale a éclaté en 1982 à Marseille au sein de la fameuse prison des Baumettes. Mais n'y avait-il pas aussi d'autres filières ailleurs ? Monsieur X le pense. En tout cas, la révélation de cette affaire a mis en évidence de nombreuses complicités et des compromissions à de très hauts niveaux. Des magistrats courageux et opiniâtres ont démonté quelques rouages de cette filière. Parmi eux, il y avait le juge Pierre Michel, qui, sans doute, vous en souvenez-vous, finira assassiné. Certains protagonistes ont été conduits devant la justice, mais curieusement, les principaux comparses n'ont été condamnés qu'à des peines excessivement légères et en appel, ils ont même fini par être purement et simplement relaxés. Pour M. X, il est évident que ça arrangeait beaucoup de monde. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Et d'où vous vient cet intérêt pour une affaire de grand banditisme ? Je pourrais vous dire, je vous en ai donné la preuve, que les truands ont souvent été utilisés comme auxiliaires par les services secrets. Oui, l'affaire Ben Barka, par exemple. Pour tant d'autres. Mmh. Pour faire le sale boulot, c'est tellement pratique. Malheureusement, ce n'est pas toujours très efficace. Et puis, en dehors du point de vue moral, cette collusion est toujours dangereuse. Mais pourquoi exactement ? Oh, parce que ces types n'agissent que par intérêt. Ils demandent forcément des gages. Oui, ce qu'on appelle des condés hein, dans le milieu. C'est ça. Mmh. En contrepartie, on est amené à fermer les yeux sur certaines de leurs activités illicites. Enfin, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Bon, peut-être pas tant que ça. Enfin, bon. Est-ce que dans cette affaire des grâces médicales, là, il y avait des gens que vous connaissiez ? Quelques-uns, oui. Mmh, et qui ? Un avocat en particulier. Oh, on s'éloigne des truands. Hein. Non. Cet homme qui avait toujours été très proche des services secrets, surtout pendant la guerre d'Algérie, usait de toute son influence pour obtenir la libération de ses clients du milieu. Alors, lui aussi faisait partie de la filière. Bien sûr. Mmh. Mais vous ne donnez pas son nom. Vous tenez vraiment à être poursuivi pour diffamation ? Pas vraiment, non. Bon, alors, restons-en là. Dans ce genre d'affaires, les preuves sont pratiquement inexistantes. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, dans votre intérêt, je ne citerai que peu de noms. Dans mon intérêt, je vous remercie. Bon, enfin, c'est quand même un peu frustrant, hein. Je sais, mais c'est ainsi. Bon, alors, par où commence-t-on ? Par l'assassinat d'un homme formidable. De qui voulez-vous parler, là ? Du docteur Fully. Fully, je crois me rappeler, c'était un médecin de l'administration pénitentiaire. C'était même l'inspecteur général de la médecine pénitentiaire. Ouais, c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'était le patron de tous les médecins qui travaillaient dans les prisons françaises. Un humaniste qui n'hésitait jamais à ruer dans les brancards. Georges Fully était bien placé pour connaître les prisons. Et à chaque fois qu'il le pouvait, cet ancien déporté dénonçait les brimades des matons et les scandaleuses conditions d'incarcération dans certaines prisons. Ce qui devait lui valoir pas mal d'inimitié. Bien évidemment, mais Fully n'en avait cure. Et il continuait à se bagarrer, y compris contre ses supérieurs hiérarchiques. J'imagine que c'est quand même pas là qu'il faut voir la cause de son assassinat. Naturellement, hein. Non. Le docteur Fully a eu le tort d'être un homme intègre. C'est pour ça qu'on l'a tué. Soyez plus précis. Hein. Au poste qu'il occupait, c'était à lui que revenait l'examen final des demandes de grâce médicale. Ouais. C'est-à-dire des grâces demandées par des détenus malades. C'est cela. Dans certaines conditions, si un médecin des prisons juge que l'état sanitaire d'un prisonnier est incompatible avec son maintien en détention, le condamné peut recouvrer la liberté. Mmh. Et en tant que patron de la médecine pénitentiaire, c'est Fully qui donnait en dernier recours un avis positif ou négatif. Tout seul ? Non, le dossier était ensuite transmis à la chancellerie, puis à la présidence de la République. Enfin, il est évident que l'avis du patron de la médecine pénitentiaire était généralement suivi. J'ajoute que Fully, qui était un homme rigoureux, ne signait pas à la légère. Il éliminait donc les demandes suspectes. Exactement. Ouais. Et il en a éliminé une de trop ? C'est à peu près cela. On sait de qui il s'agissait ? Je vous ai dit que je ne donnerai pas de nom. D'accord, mais enfin, vous pouvez quand même me donner un peu plus de détails, non ? Eh bien, il s'agissait d'un important truand marseillais qui, à la suite d'un règlement de compte, avait été condamné à une très longue peine de prison. Mmh. Et Fully a donc refusé sa grâce médicale. Et auparavant, il a aussi refusé l'argent qu'on lui proposait en échange de ce service. Ah. Fully ne mangeait pas de ce pain-là. Mais je veux dire autre chose. À l'occasion de cette affaire, il a dû se rendre compte que certains de ses confrères étaient corrompus. C'est-à-dire des gens qui touchaient, quoi. Oui, des médecins. Oui, et contre l'argent des truands, il confectionnait des dossiers médicaux truqués. Mmh. Mais en examinant minutieusement celui de cet important personnage du milieu, Fully a découvert la supercherie. Et vous voulez dire qu'il a étudié ce dossier encore plus rigoureusement que les autres? Étant donné le pedigree du bonhomme, ça me paraît évident. On ne remet pas en liberté un type de ce calibre sur un simple coup de pouce. Oui, ça me paraît évident. Oui. Et c'est ainsi que le docteur Fully est tombé sur des certificats manifestement bidonnés. Peut-être même a-t-il ensuite effectué des vérifications dans d'autres dossiers de grâce médicale. Oui, donc mis à jour une véritable organisation. Je n'en sais rien, mais enfin, ça me paraît probable. Les caïds du milieu disposaient de puissants appuis politiques et faisaient appel aux meilleurs avocats. Des hommes qui servaient volontiers d'intermédiaire lorsqu'il s'agissait de graisser la patte de tel ou tel. Enfin encore, je ne citerai pas de nom. Ah bah encore. Ouais. Enfin, tous ces gens qui ont bien connu cette époque penseront à un célèbre et richissime avocat dont l'action occulte était un secret de polichinelle. Mmh. C'était en quelle année, ça? 1973. Ouais. Moi, j'ai une petite idée, mais enfin. Et le médecin a donc été assassiné? Oui, on lui a envoyé un colis piégé à son domicile. À l'intérieur, il y avait une boîte métallique contenant deux grenades, des boulons et des chevrotines. Fully ne pouvait pas s'en sortir. Il a été déchiqueté par l'explosion. Ça, c'est un attentat préparé par les spécialistes. Incontestablement. Hein. Mmh. Alors, qui ? Il était d'abord tentant de soupçonner ce fameux truand à qui le médecin avait refusé une grâce médicale. Un truand de Marseille, je crois. Enfin, bon, ça me paraît logique. Mais si Fully avait découvert des malversations, des preuves de corruption, leurs auteurs pouvaient aussi être légitimement soupçonnés, non ? Vous avez tout à fait raison, mais on n'a jamais rien pu prouver, même si bien des années plus tard, une cardiologue a été brièvement mise en cause. Donc on ne sait toujours pas qui a tué le docteur Fully ? Non, on ne sait pas. Mais vous avez, bien sûr, vous, une idée. Oui. Mais c'est bien plus tard, j'ai commencé à comprendre, lorsque l'affaire des grâces médicales a vraiment éclaté, 9 ans plus tard. Avant d'aller plus loin avec M. X, je crois qu'il est bon de revenir un instant sur la personnalité exceptionnelle de Georges Fully. Déporté à Dachau à l'âge de 17 ans, son dévouement, son abnégation impressionnent ses compagnons de captivité. C'est là, dans l'abjection et l'ignominie, que ce jeune homme découvre sa vocation, il sera médecin. Plus tard, l'un de ses compagnons de Dachau, le garde des Sceaux Edmond Michelet, l'appellera près de lui comme médecin inspecteur général des prisons. Un autre de ses camarades de détention, le professeur Joseph Revan, qui a travaillé à ses côtés, se souvient et rend hommage dans Le Monde à Georges Fully quelques jours après son assassinat. Je le cite. Nous étions nombreux, les anciens taulards, dans cette équipe, tels que la vénérable chancellerie n'en avait sans doute jamais vu de pareil. Le ministre lui-même nous avait précédés à Fresnes et à Dachau. J'eus la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Avec Fully et des amis, nous traçâmes les lignes d'une réforme que la guerre d'Algérie et le surpeuplement des prisons qui en fut la conséquence arrêtèrent aux premières mesures. Mesure préalable à toute réforme d'envergure, Fully entreprit la réorganisation du service de santé avec des moyens dérisoires, sans cesse interrompus par des missions en Algérie, où il sauva de nombreuses vies menacées, tout en aidant à dévoiler des crimes de l'OAS cachés ou appuyés par certains médecins complices. Plus tard, ce que nous avions commencé fut en grande partie stoppé et démoli. Michelet avait demandé à Fully de rester et de continuer. Dans sa lutte incessante, une décennie durant, notre ami usa ses forces, mais non son courage. Des drames qu'il avait prévus, annoncés, parurent aux gens du dehors mettre en jeu sa responsabilité. De cela, il souffrit, et de ne pouvoir tout dire en public sans compromettre des amis qui lui faisaient confiance. À force de tenir face à une administration qu'on avait remise dans ses anciennes ornières et sous des ministres qui ne voulaient pas d'histoire, quand il n'était pas partisan de la prison répressive, il avait quand même acquis une compétence universellement reconnue. Remarquons donc que ce médecin gênait et agaçait beaucoup de monde, et pas seulement les truands à qui il refusait des grâces ou ses confrères qui étaient peut-être corrompus. Mais retrouvons M. X, 9 ans après l'assassinat de Georges Fully, l'affaire des grâces médicales est rendue publique. Comment ça commence alors cette affaire ? D'une façon très curieuse et presque anecdotique. Fin 1982, un détenu de la prison des Baumettes, un type qui a été condamné pour trafic de stupéfiants, se plaint d'avoir été escroqué par un autre prisonnier. Un certain Sadji, un trafiquant de fausse monnaie. Un type qui a peut-être été mêlé à la tuerie du bar du téléphone, vous vous rappelez? Ah, bien sûr, ça. Il y avait eu au moins une dizaine de morts. Hein. Un vrai massacre. Mmh. Or, ce Sadji était un familier de ce bar, et il y aurait dissimulé une valise qui contenait des milliers de fausses coupures de 100 francs. Et ça aurait un rapport, ça, avec le massacre du bar du téléphone? Allez savoir. Hein. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que nous reviendrons tout à l'heure sur ce dossier du bar du téléphone. Mais poursuivons. Ouais. Donc, je résume. Ce trafiquant de fausses monnaies escroque un de ses co-détenus. Une parenthèse d'abord. Encore. Les Baumettes, vous devez le savoir, ce n'est pas une prison ordinaire. À l'époque, ou c'est toujours le cas? Franchement, je n'en sais rien, mais quand des habitudes sont prises... Ouais. Et que s'y passe-t-il réellement, là? Les caïds y règnent en maître, et tout le monde carcéral doit leur obéir. Autre chose, avec de l'argent, on peut presque tout obtenir de l'extérieur. De la nourriture, de l'alcool, des postes de radio et même de la drogue. Ouais, mais les gardiens sont donc complices, hein? Certains. Enfin, à l'époque. Quand il y a de l'argent à la clé, n'est-ce pas? Alors, votre escroquerie? J'y viens. Chez les taulards des Baumettes, on murmurait qu'il existait une chaîne du bonheur. Une chaîne du bonheur, qu'est-ce que c'est que ça? Un système qui permettait de quitter la prison avant terme. Mmh. Et comment ça fonctionnait, cette... En principe, c'était très simple. Il suffisait de remettre une grosse somme d'argent à l'un des caïds de la prison. Et il se débrouillait pour vous obtenir d'abord un transfert à l'hôpital prison des Baumettes, puis ensuite une mesure de grâce médicale. Mmh. Ce truand devait donc lui-même être en cheville avec les médecins. Bien sûr. Mmh. Alors si je comprends bien, ce trafiquant de drogue escroqué a certainement versé de l'argent. 180 000 francs, une somme importante pour l'époque. Mais il n'a rien vu venir. Voilà. Ouais. Une parenthèse quand même, à mon tour. Hein. C'est bien que vous m'avez dit qu'à la prison des Baumettes, on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait, mais cet argent... Pensez bien qu'il n'a jamais pénétré aux Baumettes. Non, tout s'est passé à l'extérieur. Vraisemblablement avec le concours de certains avocats ou des gardiens. Bon, alors reprenons. Le type est escroqué. Ça me paraît quand même difficile qu'il porte plainte. Naturellement, mais enfin, il pousse les hauts cris. Et dans une prison, je vous prie de le croire, les bruits circulent très vite. Ah, et c'est vrai, j'avais oublié. Vous avez vous-même connu la prison. Hein. Brièvement, oui, mais même pour quelques semaines, c'est toujours trop long. Peut-être me raconterez-vous un jour, hein? Nous verrons. Donc ce trafiquant fait savoir à ses amis qu'il a été volé et il crie si fort que l'information parvient à la police. Une enquête est alors effectuée. Oui, et les policiers vont en apprendre de belles. C'est d'autant plus extraordinaire qu'à l'origine, il s'agissait vraiment d'une simple escroquerie. C'est-à-dire? Le nommé Sadji avait seulement entendu parler de cette chaîne du bonheur et il a prétendu pouvoir en faire bénéficier l'autre. Mais en fait, à mon avis, il n'avait pas les bons contacts. Bah, comment pouvez-vous l'affirmer? Bon, c'est une question de bon sens. S'il avait vraiment eu le contact avec la filière, il aurait d'abord dû en profiter lui-même. Pour se faire élargir. Naturellement. Ouais. En tout cas, peu importe. Ce qui compte, c'est que la découverte de son escroquerie va faire l'effet d'un véritable coup de pied dans la fourmilière. C'est donc que cette chaîne du bonheur là, existait réellement? Tout à fait. Mais elle faisait aussi des jaloux. Des jaloux. Des taulards qui ne pouvaient pas en profiter parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ou des gens qui ne pouvaient pas se faire soigner parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôpital prison. Et ces gens-là vont parler. La chaîne du bonheur, là, comme vous dites, va donc être démantelée. Attendez, c'est pas aussi simple que cela. Il faut des preuves dans une affaire aussi considérable et les dénonciations ne suffisent pas. Je veux bien, mais on interroge tout de même les médecins parce que ce sont eux qui sont mis en cause dans cette affaire. Bien sûr, ils sont en première ligne, mais naturellement, ça ne donne rien. Et pourquoi? Parce que ces praticiens nient toute implication dans cette chaîne du bonheur. Le médecin-chef en particulier affirme qu'il n'est jamais amené à prononcer tout seul une mesure de grâce. Des médecins experts sont chargés d'examiner le détenu, et c'est sur la foi de ces expertises qu'ils demandent ou pas la liberté. Donc ça voudrait donc dire que si cette filière d'évasion légale existait, il y aurait eu toute une chaîne de complicité. Mais ça paraît quand même énorme. Alors on aurait cela? Non, parce que le juge d'instruction qui a été chargé du dossier est un homme opiniâtre. Et qu'à Marseille, il y a trop longtemps qu'on murmure dans les milieux judiciaires et policiers que de véritables réseaux existeraient. Mais des réseaux d'évasion. Hein. Oui. On prononce même le nom de quelques avocats qui seraient étroitement mêlés à l'affaire. Oui, des avocats, ceux dont on va parler, qui étaient spécialisés dans les affaires de gangs. Naturellement. Alors pour le juge, il n'est pas question d'abandonner et il va agir dans deux directions. D'abord, il place sur écoute un certain nombre de personnages. Qui? Un médecin des Baumettes et l'un de ses avocats dont nous venons de parler. Un homme très populaire aux Baumettes. Mais très populaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, disons qu'il y compte beaucoup, mais vraiment beaucoup de clients. Il est chez lui en ce moment. C'est ça, oui. Mais placer un avocat sur écoute, c'est une décision grave. Et qui peut être réalisée que dans des conditions très précises et très rigoureuses. Mais le juge d'instruction qui est jeune passe outre. C'est dommage. Excessivement dommage. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire là? Parce que ces écoutes sur réquisition du parquet ne seront pas versées au dossier. Et ces écoutes apportaient un éclairage nouveau sur Incontestablement. Et les conversations enregistrées étaient d'autant plus passionnantes que l'un des médecins mis en cause avait justement choisi comme avocat ce défenseur si populaire au Baumettes. Une coïncidence? À vous de juger. Mmh. Et vous avez dit que le magistrat instructeur avait pris une deuxième initiative. Oui, hein. Il s'est dit que s'il y avait réellement des grâces médicales accordées de façon frauduleuse, on pourrait peut-être les mettre en évidence en examinant quelques dossiers de prisonniers récemment libérés pour cette raison. En somme, ce juge d'instruction agit comme le docteur Fully quelques années plus tôt. Hein. Exactement, et en épluchant ses dossiers, il va déboucher sur une affaire d'une toute autre importance. L'assassinat d'un autre juge en octobre 1981. Oui, ça, vous voulez parler du juge Michel. Hein. Oui, ouais. Un assassinat commis par deux professionnels qui, à l'évidence, exécutaient un contrat. Nous allons longuement revenir sur l'exécution du juge Michel en octobre 1981. Un magistrat qui, d'après le journaliste Alain Laville, qui lui a consacré un livre, s'intéressait depuis longtemps, lui aussi, à ces mystérieuses grâces médicales. Et il avait même fait échec à l'une d'elles. Laville en fait le récit dans une interview accordée au Quotidien de Paris en juillet 1982. Dans le cas de Louis Giralt, un financier de la drogue, Michel y est arrivé, mais en prenant tout le monde de vitesse. Celui-ci était inculpé dans l'affaire du laboratoire clandestin découvert à Sérest, près de Marseille. Il était surveillé depuis une vingtaine d'années, mais on n'avait jamais pu lui mettre la main dessus. Entre parenthèses, son chimiste, sitôt condamné, avait obtenu sa libération en se faisant passer pour sénile avant de récidiver. Giralt, lui, qui approchait la soixantaine, n'était pas en très bonne santé, mais semblait pouvoir supporter la prison. Pourtant, des expertises médicales réalisées sur place à l'hôpital des Baumettes sont venues appuyer une demande de mise en liberté tendant à le faire sortir de prison avant son procès. Dans la nuit même, Pierre Michel l'a fait transférer en toute légalité à l'infirmerie de Fresnes. Deux experts parisiens ont conclu alors que son état de santé était compatible avec son maintien en détention. Le juge était arrivé à ses fins, mais en court-circuitant les organisateurs du trafic. J'ajoute qu'Alain Laville, en effectuant son enquête sur le juge Michel, a été victime à plusieurs reprises de menaces. On lui a même dit « Souvenez-vous de ce qui est arrivé au docteur Fully ». J'imagine que vous vous rappelez les circonstances de la mort du juge Michel. Oui, il circulait à moto, c'est ça, hein? Oui, oui. Ouais. Il rentrait chez lui pour déjeuner. Il n'a pas remarqué la puissante Honda qu'il suivait. Soudain, le conducteur de cette dernière a accéléré, s'est placé à sa hauteur. Le passager a tiré à plusieurs reprises. Michel n'avait aucune chance de pouvoir échapper au tueur. Et bien sûr, les deux passagers de la Honda avaient le visage dissimulé par des casques intégraux. Hein. Naturellement. Ouais. Mais on a fini par les coincer. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs une histoire assez extraordinaire. Les tueurs s'étaient rapidement débarrassés de la moto après avoir effacé toute trace. Mais les techniciens de la police ont réussi à retrouver une empreinte digitale sur l'envers d'un autocollant. Les enquêteurs ont donc pu remonter jusqu'à eux. Des malfrats sans envergure. Mais les commanditaires de ce contrat, eux, n'ont jamais été identifiés avec certitude. On a quand même parlé d'une histoire de drogue. C'est juste. Le juge Michel avait entrepris une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Et il travaillait en parfaite collaboration avec ses collègues italiens qui, eux, traquaient les hommes de la mafia sicilienne. Ces gens-là avaient pu légitimement placer un contrat sur la tête du juge. Oui, ouais. Mais le juge s'occupait aussi de beaucoup d'autres dossiers. Celui du bar du téléphone, par exemple. Ah, on y revient. Le milieu marseillais est un tout petit monde. Non, plus sérieusement, le juge Michel soupçonnait lui aussi l'existence d'un réseau très bien organisé visant à accorder des grâces médicales à des truands de renom. Mmh. Et comment avait-il été amené à s'y intéresser, lui ? Michel connaissait très bien Marseille, et il savait que la corruption y était particulièrement florissante. Par conséquent, ce magistrat avait adopté des méthodes de travail bien à lui. C'est-à-dire ? Ne faisant confiance à personne, Michel avait ses propres informateurs. Des indices, quoi. On peut dire les choses ainsi, oui. Mmh. Parmi eux, il y avait un gardien de prison qui le tenait au courant de tout ce qui se passait au Baumettes. Et c'est ainsi qu'il a appris l'existence de la chaîne du bonheur, là. Je le crois, oui. J'ajoute que le juge Michel, qui n'était pas un magistrat laxiste, surtout envers les truands, venait justement d'être mis en cause, à cause d'une grâce médicale qu'il avait refusée. Mmh, racontez-moi ça. Ça s'est passé 2 ans avant la mort du magistrat. Mmh. Un dealer qui l'avait fait incarcérer était mort au Baumettes. Mort dans des circonstances bizarres. Mais ce type était malade ? Sa famille l'a prétendu, oui. Et Michel a été accusé d'avoir commis un assassinat légal. Rien. Cette histoire, j'en suis certain, l'avait profondément marqué. A noter d'ailleurs que certains de ses accusateurs de l'époque se retrouveront plus tard parmi ceux qui seront montrés du doigt dans l'affaire des grâces médicales. Donc, en tout cas, cette affaire des grâces médicales, c'est une question qui le préoccupe au plus haut point. Oui, ouais. Et bientôt, le juge Michel va être directement confronté à une affaire qui va l'entraîner au centre même de ce trafic des grâces médicales. Quelle affaire ? L'homme s'appelle ou s'appelait Robert Kékichian. Pourquoi s'appelait ? Parce que Kékichian a disparu depuis cette affaire et que nul ne sait ce qu'il est devenu. Ouais. Bon, alors qui est ce Kékichian ? Un type inculpé dans une affaire de drogue. Il aurait été lié à la fameuse French Connection. Et apparemment, c'était un gros bonnet. Mmh. Inculpé, donc pas encore condamné. Hein. Tout à fait. Mmh. Kékichian était donc incarcéré au Baumettes en attendant son procès. et il a fait une demande de libération pour des raisons médicales. Alors, lui aussi, est-ce qu'il était vraiment malade ? Mais 15 ou 16 ans plus tôt, il avait été opéré d'un cancer de la peau assez rare. On en a la certitude ? Absolument. Mmh. Et après cette opération, il était guéri ? Apparemment, oui, mais pendant sa détention en 1981, Kekichian affirme que son cancer récidive. Alors, même question, est-ce vrai ? Écoutez, je n'ai pas eu accès au dossier médical, mais des témoins de bonne foi ont affirmé que des kystes s'étaient formés sur le ventre de Kekichian. Ouais. Bah, ça pouvait être des kystes bénins. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, le prisonnier est examiné par le médecin-chef des Beaumettes, et ce dernier donne un avis favorable à sa demande de grâce. Une demande qui est aussitôt transmise pour avis au juge d'instruction chargé de l'affaire. Donc le juge Michel, si je comprends bien. Et comment réagit le juge? Michel est très circonspect. Il se méfie. Incontestablement. Et puis mettez-vous à sa place. Il voit d'un très mauvais œil l'élargissement d'un homme qu'il soupçonnait d'être un maillon très important du trafic de drogue. Bon, donc il demande, il demande une contre-expertise? Naturellement. Et Kekichian est transporté dans un centre anticancéreux de Marseille. Là, il est hospitalisé, examiné, surveillé. Mmh. Et résultat ? Le spécialiste qui le voit juge que son cancer fait partie de ceux qui n'évoluent plus à partir du moment où ils ont été bien soignés au départ. Mmh. Ce qui semble être le cas du cancer de Kekichian. Oui. Mmh. Donc, d'après ce spécialiste, il peut rester en prison ? Tout à fait. Mmh. Mais l'affaire n'est pas finie. Deux autres experts, des médecins légistes, sont commis. Et ce ne sont pas des cancérologues. C'est juste. Mais ils disposent du dossier médical de Kekichian. Et ils rendent un rapport tout à fait contradictoire avec celui des spécialistes du centre anticancéreux. C'est-à-dire ? Eh bien, ils affirment que Kekichian présente une récidive. Récidive qui exige une opération immédiate et des soins dans un établissement approprié. Ouais, bizarre. Hein. Mais enfin, une question. Est-ce qu'on peut envisager qu'on ait donné à ces experts un dossier truqué ? Vous voulez dire avec de fausses analyses ? Bah oui. Pourquoi pas ? Tout est possible dans cette affaire. En tout cas, au vu de cette expertise médicale, le juge Michel va être obligé de faire libérer Kekichian. Il n'était pas homme à s'incliner aussi facilement. Alors il envisage autre chose. Et il s'adresse au sommet de la médecine pénitentiaire, sachant qu'à l'hôpital de la prison de Fresnes, on est mieux équipé pour traiter les prisonniers gravement malades. Il demande le transfert de Kekichian. Et c'est aussi une façon de mettre hors circuit les médecins marseillais. C'est évident. Ouais. Mais la manœuvre va échouer. Parce qu'à Paris, le successeur du docteur Fully estime, au vu du dossier, que Fresnes ne dispose pas des structures nécessaires pour soigner Kekichian. Donc le transfert est refusé. Oui, cette fois, passez-moi l'expression, mais Michel est coincé. Et il est contraint d'ordonner la libération du trafiquant. Ça va être un échec pour lui. Hein. Assurément. Tous ses proches ont affirmé qu'il avait signé cette libération la mort dans l'âme. Il faut ajouter qu'aucune autorité judiciaire n'a cru s'opposer à cette ordonnance de mise en liberté. Oui. Kekichian est donc libéré en attendant son procès. Et il reste sous contrôle judiciaire. Ouais, c'est-à-dire qu'il doit pointer régulièrement au commissariat de son quartier. Mais qu'est-ce qu'il devient ? Mais il consulte une fois un spécialiste parisien. Un cancérologue ? Non, un dermatologue, je crois. Oui. Celui-ci se montre très rassurant. D'ailleurs, c'est l'été. Et le médecin lui dit « Rien ne presse, je vous reverrai à la fin des vacances. » Mais Kekichian ne reviendra jamais, car il prend la file de l'air. Et on ne sait pas où il est parti. Non. Mais avouez que s'il avait vraiment été très malade, il n'aurait pas disparu. Clandestin et malade, ça fait quand même deux handicaps sérieux. En tout cas, le juge Michel n'a pas tardé à tirer les leçons de son échec. Parce qu'il a eu l'impression d'avoir été joué. Naturellement. Et il s'est mis sérieusement à enquêter sur cette filière des grâces médicales. Trois mois plus tard, il était mort. Donc pour vous, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a une relation directe entre l'assassinat du magistrat et cette affaire. Assurément. Je suis persuadé que Michel a mis au jour une organisation très bien structurée, très efficace et très rémunératrice. Le milieu a de l'argent et il sait très bien le dépenser lorsqu'il le faut. Mmh. Mais il y avait aussi des relais très haut placés. Et dans cette filière, jusqu'où, à votre avis ? Il n'est pas exclu que de hauts magistrats aient été complices. Il fallait donc faire taire Michel et se débarrasser définitivement de ce gêneur. Et c'était d'autant plus facile que le juge d'instruction traitait des dossiers très explosifs et qu'il était donc facile de diluer les soupçons. Mmh. Oui, mais ensuite, il y a tout de même eu des poursuites, des personnes mises en cause. Mais pas en relation directe avec la disparition du juge Michel. Je vous rappelle que les personnes qui ont été incarcérées, jugées, condamnées, puis relaxées, l'ont été à la suite de cette affaire d'escroquerie que je vous ai racontée précédemment. Mmh. Par conséquent, si ces personnes ont été relaxées, il n'y a plus d'affaire Kekichian. Hein. Vous avez raison. On se demande même pourquoi on peut encore en parler. Vous ne trouvez pas ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourtant, je vous assure, jamais une affaire n'avait été bouclée avec une telle célérité. Mais il faut croire que les intérêts en cause étaient supérieurs à la manifestation de la vérité. Un dernier détail qui ne vous surprendra pas. La plupart des gens qui ont essayé d'en savoir plus ont reçu des menaces. Ceux qui avaient abattu le juge Michel étaient tout à fait capables de récidiver. Les deux juges d'instruction qui ont enquêté sur cette filière d'évasion légale n'ont pas renoncé aussi facilement. Je lis par exemple dans la Croix du 17 mars 1983 l'information suivante. La justice marseillaise remonte progressivement la filière des grâces médicales et fait notamment procéder sur des détenus libérés à des contre-expertises de médecins indépendants. L'une d'elles a conduit mardi à la réincarcération de Gabi Graziani, l'un des parrains de la filière franco-sicilienne de la drogue. Gabriel Graziani, 61 ans, avait bénéficié fin 1981 d'une mesure de liberté provisoire renouvelable tous les trimestres sur présentation de certificat médical. Condamné à 15 ans de prison en 1979 après saisie de 2 sachets d'héroïne dans ses vêtements, il avait pu, en mars 1982, produire un premier certificat confirmant qu'il souffrait de maladies cardiovasculaires. Le mois dernier, Graziani a fait l'objet d'une contre-expertise approfondie effectuée par 2 médecins lyonnais. C'est à la suite de cet examen, à l'initiative du juge d'instruction François Hardier, chargé des grâces médicales à la prison des Baumettes, que le célèbre trafiquant y aurait été réincarcéré cette semaine. Cette réincarcération spectaculaire attire de nouveau l'attention des juges sur les complaisances de médecins à l'égard de détenus de haute réputation. Tout à fait autre chose. Dans un entretien récent, M. X a abordé l'affaire du complot de la Pentecôte. Il y déclarait que le principal protagoniste de cette rocambolesque histoire, un certain Delors, avait prétendu être le fondateur d'un mystérieux réseau de résistance, Darius. Et mon interlocuteur ajoutait qu'à son avis, c'était aussi celui du colonel Passy, Darius avait été purement et simplement inventé par Delors. Eh bien, pas du tout. Une auditrice, Madame Berne, m'a écrit pour me signaler que ce réseau Darius a réellement existé. Fondé par son père, le général Gentil, il a malheureusement eu une existence très brève car il a été rapidement dénoncé. Le général est mort en 1945 dans le camp de Dora. Madame Berne ajoute que l'existence de Darius est confirmée par le mémorial des compagnons de la libération. À samedi prochain.